Quand je pense à un boogeyman, je pense facilement à Jason Voorhees, Freddy ou Leatherface. Mais mon préféré, c'est Jack Frost. C'est pas le plus beau, ni le plus riche, et clairement pas le plus malin. Mais il fait partie de ce bagage cinématographique que je trimballe depuis des années. Au lycée, ce DVD a tourné dans tous les lecteurs de notre groupe d'amis. On pouvait, et je crois que je le peux toujours, le réciter par cœur. Tiens, puisqu'on en est là, de quoi ça nous parle? Bon, Jack Frost est un terrible tueur en série. Il doit se faire exécuter le soir de Noël. Malheureusement, son camion de transfert sera percuté par un autre camion transportant un dangereux produit chimique et forcément non testé. Et paf, ça fait un bonhomme de neige tueur adepte de la punchline. D'ailleurs, c'est ça qui fait son charme, les punchlines, parce que sinon le film accuse bien son statut de Z fauché avec costume en mousse, acteur au rabais et autres effets de montage. Mais c'est fait avec le cœur, avec l'envie de nous raconter une histoire, de nous faire rire et de nous mener le délire à son terme. D'ailleurs, la même équipe nous offrira un bien délirant Jack Frost 2 sous les tropiques. Et ouais, ne soyez pas trop timide sur le côté Z fauché. C'est tout de même bien plus fréquentable que les prods Full Moon du style Evil Bong.